phonétique. Activité 14. 1. Ah oui. 2. Un peu plus court. 3. Des chaussures à talons. 4. C'est mieux comme ça? 5. Ah oui. 6. Me couper les cheveux. 7. Un peu plus court. 8. Des chaussures à talons. 9. C'est mieux comme ça. 10. Me couper les cheveux.